Chapitre 16e. Avant de passer dans le salon où l'attendait Madame Clémence Beaujolier, le marquis entra chez Denise. « Oh, mon parrain, » dit-elle en venant à lui, « comme vous avez été longtemps. Ne me grondez pas, mon enfant, c'est pour vous que je suis sorti. Il faut que vous sachiez, si vous ne le savez déjà, qu'on vend après-demain le mobilier de votre mère. J'aurais voulu empêcher cette vente, mais pour plusieurs raisons trop longues à vous expliquer, cela m'a été impossible. J'ai voulu cependant que tout ce qui avait appartenu à votre pauvre maman ne disparût pas, sans qu'il vous en restât un souvenir. Je viens de donner un ordre pour qu'on achète son piano. Ce piano, je le lui avais offert autrefois. Je serais heureux de le voir entre vos mains. Je voudrais tant trouver de paroles pour vous remercier. Mais si je reste muette devant vous, ne croyez pas, mon parrain, que je ne vous suis pas reconnaissante de toutes vos bontés. À propos de ce piano, continua le marquis en interrompant cet élan de gratitude, je dois vous dire que votre institutrice m'attend au salon, ou plus justement, la personne qu'on me propose pour être votre institutrice, car je ne veux pas la choisir sans qu'elle vous plaise. Vous n'êtes pas une enfant à laquelle on impose une maîtresse. Elle voulut dire qu'elle accepterait la maîtresse qu'il lui donnerait, mais il lui ferma doucement la bouche. On est de bonne foi quand on prend ses engagements, mais il arrive un moment où l'on ne peut pas les tenir. Je désire éviter cela, et comme il est probable que vous garderez votre institutrice pendant plusieurs années, il faut nous entourer de toutes les précautions que l'expérience enseigne. Je vous ferai donc appeler tout à l'heure, et sans y mettre d'affectation, vous étudierez attentivement la personne qu'elle a. Plus tard, vous me direz votre sentiment, et s'il est conforme au mien. D'un autre côté, si les renseignements que je me charge de prendre sur Madame Beaujolier, c'est son nom, sont satisfaisants, nous partirons demain ou après-demain pour Rudemont. À bientôt. Il entra dans le salon. À son approche, une jeune femme, vêtue avec une simplicité qui n'excluait ni le goût ni l'élégance, se leva et s'inclina. Quand elle releva la tête, le marquis remarqua qu'elle était jolie. Le visage était agréable, bien que des sourcils noirs et touffus lui donnassent une expression un peu trop dure. Les yeux étaient pleins de feu, mais surtout ce qui frappait en elle, c'était la finesse, la sveltesse de toute sa personne, une petite chatte noire, mignonne et souple. De sa main finement gantée, elle tendit une lettre au marquis. Elle ne contenait que les lignes suivantes. « La personne est décidément jolie, mais elle me présente de telles garanties que je vous l'envoie quand même. Je vous la recommande sous tous les rapports, c'est une perle. » Le marquis, ayant soigneusement serré la lettre dans sa poche, revint vers Madame Beaujolier. « La lettre que vous venez de me remettre, dit-il, est courte, mais on ne saurait la souhaiter plus précise. Elle se termine par ces mots, que je demande à votre modestie la permission de citer, afin que vous sachiez sous quels auspices vous vous présentez. Je vous la recommande sous tous les rapports, c'est une perle. » Madame Beaujolier porta vivement les deux mains en avant par un geste plein de pudeur, puis, sans répondre, elle baissa la tête pour cacher son trouble. « Je ne voudrais pas insister sur ce mot d'une façon gênante, » continua le marquis. « Cependant, permettez-moi de vous dire que c'est précisément une perle que je demande. Deux mots d'explication vont vous faire comprendre mon exigence. » Alors, il raconta brièvement, s'en tenant au strict nécessaire, comment Denise avait été placée dans une pension où son instruction avait été négligée d'une façon déplorable, et comment, par suite d'un concours de circonstances malheureuses, la mère de la jeune fille n'avait pas pu la surveiller. Cette partie de son explication fut assez entortillée, mais Madame Beaujolier ne laissa paraître aucune surprise. Elle écoutait avec attention, surtout avec discrétion, et par son attitude, elle semblait dire « Vous n'avez pas besoin de me raconter tout cela. » Comme le respect l'empêchait d'interrompre, elle se taisait. Mais ses yeux mobiles, qui ne semblaient pouvoir se poser sur ceux du marquis, mais ses mains à demi soulevées et tendues en avant, mais ses épaules légèrement rejetées en arrière, tout en elle protestait. C'était trop, beaucoup trop. Désormais débarrassé de ce qu'il y avait de difficile dans la situation, le marquis s'expliqua plus franchement et par suite plus rapidement en disant ce qu'il voulait. L'éducation qu'il désirait faire donner à sa pupille était celle d'une femme du monde. La connaissance, en littérature, en art et en histoire, de tout ce dont une femme peut parler ou entendre parler, en science, quelques notions générales, une langue vivante, autant que possible l'anglais, parce qu'il le comprenait, et la musique. Denise était intelligente et douce. Il espérait qu'elle serait docile. D'ailleurs, il ne s'agissait point de la diriger comme une petite fille, mais plutôt comme une camarade plus jeune. À côté des leçons proprement dites, il y aurait les promenades, les conversations dans lesquelles elle pourrait apprendre beaucoup. Pour cela, il fallait que l'élève et l'institutrice vécussent dans une intimité continue, et cela serait facile à Rudemont si l'institutrice voulait s'oublier à certaines exigences qui d'ailleurs ne seraient pas bien dures. Le château étant vaste, Denise et l'institutrice auraient chacune un appartement particulier, mais qui serait en communication. Elles vivraient dans cet appartement comme si elles étaient chez elles. Tout ce que le marquis demandait, c'était qu'elles descendissent l'une et l'autre au dîner. Elles auraient une voiture à leur disposition pour sortir quand elles le voudraient. Le marquis désirait seulement qu'elles fussent au château tous les jours à 5 heures, parce qu'à ce moment il monterait chez elles pour s'entretenir de leurs études et voir par lui-même, non par défiance, mais pour son plaisir, les progrès de l'enfant. Bien que Madame Beaujonnier parût ordinairement maîtresse d'elle-même et de l'expression de ses émotions, elle n'avait pas pu retenir un mouvement de satisfaction en entendant parler de l'appartement particulier et de la voiture. Évidemment, ce côté matériel la touchait et lui donnait de bonnes espérances, elle ne serait pas dans une bicoque. « Maintenant, continua le marquis, que je vous expliquais mes exigences, je vous prie de me dire si vous croyez pouvoir les accepter. » Les quelques mots que Madame Beaujonnier avait prononcés depuis l'entrée du marquis dans le salon l'avaient été avec l'accent français le plus pur. Grande fut la surprise du marquis lorsqu'il l'entendit lui faire la réponse dans un anglais non moins pur. Et comme il laissait paraître cette surprise, « Je parle les deux langues avec une égale facilité, dit-elle, et comme vous savez l'anglais, j'ai voulu vous prouver que je serai en état d'enseigner une langue vivante à Mademoiselle Denise. Pour le reste, j'ai mes diplômes, et je crois que vous préférez cette garantie à un examen. Quant à la musique, ma réponse, si vous le voulez bien, sera analogue à celle que je vous ai faite au sujet de la langue anglaise. » Disant cela, elle se leva et se dirigeant vers le piano, elle l'ouvrit. Le marquis voulut l'arrêter, mais avec un sourire mêlé de tristesse, elle s'assit sur le tabouret. « Quand on demande aux gens s'ils savent marcher, la meilleure réponse qu'ils puissent faire, c'est de marcher. » Comme le marquis regardait avec inquiétude du côté de la chambre de Denise, « Ne craignez pas que je blesse la douleur de votre pupille par une musique dansante. » Et tout de suite, elle se mit à jouer un morceau d'un caractère grave, plein de tristesse et de poésie. « C'est la marche funèbre de Chopin, » dit-elle, en regardant le marquis à demi tourné vers lui. Le marquis n'était pas grand musicien, mais il fut surpris de la sûreté avec laquelle elle avait exécuté ce morceau. Il fit appeler Denise, et la présentation de l'élève à la maîtresse et de la maîtresse à l'élève eut lieu. Pendant 10 minutes, on s'entretint de choses et d'autres, puis Madame Beaujonnier se leva. « J'aurai l'honneur de vous voir demain ou après-demain, » dit le marquis. « Voulez-vous avoir la bonté de me laisser votre adresse ?» À cette demande, Madame Beaujonnier eut une légère contraction des sourcils. Cependant, sans répliquer, elle écrivit cette adresse sur sa carte. Puis, comme le marquis la reconduisait jusqu'à la porte de sortie, tandis que Denise restait dans le salon, « Votre pupille est vraiment charmante, » dit-elle. « Eh bien, » demanda le marquis, revenant près de Denise, « comment trouvez-vous votre institutrice ?» Charmante. C'est le mot qu'elle m'a dit en parlant de vous. La question de sympathie est donc décidée. Maintenant le reste me regarde. »